Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ici Lou pour l'émission L'Heure des Loups, le direct de 18h-19h sur Radio Guémozo 107FM. Et ce soir, comme tous les soirs, hein, je donne la parole à différents visages de notre si beau massif vosgien, quel qu'il soit, association, structure nationale, départementale, gouvernementale ou même parfaits anonymes. Et ce soir, on va parler d'ambiance, on va parler de cabaret, on va parler de fête, vu que ce soir, j'ai avec moi Hubert Pierrot Craco, président de l'association Passion Show, avec Lambert du Décor, qui est un membre de cette association, et aussi un petit invité surprise en dernière minute. Ça y est, tu rigoles déjà. C'est vrai que c'était le pilier de Tour de Culture du temps que ça existait, toujours très connu sur nos ondes, en tout cas pour ton émission Les Années Bonheur, vu qu'évidemment c'est Gilou qui est avec nous ce soir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Lou. Alors, avant toute chose, déjà merci Gilou, vu que c'est toi qui m'a donné le contact. Hein, oui, c'est ça, nous avions le contact avec Hubert, hein, Pierrot, donc voilà, que je vous ai mis en contact, quoi, donc c'est avec plaisir, et puis merci de m'accueillir dans ton émission. Merci à toi. Bonjour à Hubert et bonjour à Lambert. Tu avais reçu Lambert du Décor au mois d'octobre 2017, si je me trompe pas. C'est ça, ouais, tout à fait, oui. Dans ton émission Les Années Bonheur. Et puis, si on se retrouve ce soir, c'est parce qu'il y a un nouveau fait d'actualité à venir. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Donc, on va présenter, Hubert, ton association. On va peut-être vous présenter aussi tous les deux. Je pense que c'est important. Et puis, on est ensemble jusqu'à 19h pour en savoir plus sur Passion Show. Avant toute chose, Passion Show, c'est un collectif d'artistes, c'est ça ? C'est une association qui comporte, donc, comme toute association, avant tout des bénévoles, mais des bénévoles qui sont passionnés par le monde du spectacle et qui se sont donné pour objectif et pour ambition de promouvoir le spectacle vivant. Voilà, ça c'est le grand projet de notre association, Passion Show. Cette association a été créée quand ? Elle a été créée, c'est une jeune association, elle a été créée il y aura trois ans cet été. Voilà. Et donc, nous en sommes cette année, donc le 2 juin prochain, à la deuxième édition du grand show Scène Ouverte, qui a pour but de réaliser notre idéal, donc de promotion du spectacle vivant, en mobilisant sur scène des artistes amateurs, voire professionnels, donc en leur offrant une très jolie scène, on en reparlera sans doute, on leur offre un public aussi, et donc l'occasion de se produire, de faire cette belle expérience de la scène, et de révéler leur talent, voilà. Sachant que c'est un concours, hein, cette scène ouverte, c'est un concours qui est doté de, comment dire, de 1000 euros de prix à partager entre les trois premiers lauréats pour leur donner un coup de pouce, leur permettre d'évoluer et de vivre leur passion. On en parlera, je pense, plus en détail au cours de l'émission, mais tu as emprunté un mot qui m'a interpellée, les arts vivants. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est ? Oui, le spectacle vivant, bah, c'est, comment dire, ce sont toutes les disciplines, les spécialités de la scène. C'est le spectacle vivant, c'est essentiellement visuel. Donc c'est vraiment très large. Ça comprend la danse, le chant, la magie, la jonglerie, les arts du cirque. Voilà, c'est vraiment très très très vaste en fait. Et comme tu as parlé de ça, hein, tu as dit c'est vaste, mais toi, Pierre, tu es président de l'association, oui, mais tu es membre aussi. Est-ce que tu participes aussi à ces arts-là, à ce spectacle vivant ? Eh ben, j'y participe en tant que présentateur, en somme. Donc je joue les Monsieur Loyal, en somme, pour ce grand show. Voilà. Je suis donc pas artiste à proprement parler, mais je vis la scène et j'aime bien cette expérience de la scène. J'aime bien mettre en valeur autant que faire se peut les artistes, les saluer, les remercier, essayer de le rôle du présentateur, c'est aussi de stimuler le public éventuellement, enfin le spectacle c'est un échange avant tout entre voilà un artiste, un public, et bon, présentateur a sa pierre à apporter à l'édifice pour faire vivre au mieux cet échange. Tu es là aussi pour faire le lien, je pense, entre le public et les personnes qui vont animer. Oui, oui. Ça doit être quelque chose d'important, c'est un lien important, je pense. Oui, bien sûr, oui. Bon, on offre, je pense, à nos concurrents, la première édition l'a montré, d'excellentes conditions d'accueil. Hein. Ça se passe dans une salle qui n'est pas une salle de spectacle au départ, mais que nous aménageons réellement comme une salle de spectacle, avec des loges, avec une très belle scène, avec une belle scénographie, des décors, et puis une part de convivialité aussi. Hein, les concurrents partageront à une collation juste avant le show avec les organisateurs. C'est quelque chose de convivial. C'est aussi un lieu d'échange en dehors même du spectacle, un lieu d'échange entre les concurrents, donc qui sont des artistes potentiels, des artistes amateurs. Et pour eux, je pense que c'est aussi très très intéressant d'échanger avec d'autres personnes qui œuvrent dans d'autres domaines que le leur. Bien entendu. À ta droite se trouve un quelqu'un qui lui fait de la scène. En effet, Lambert dit aussi Lambert du décor. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter, même si c'est pas la première fois que tu viens, mais c'est une première dans l'heure des loups. Oui, alors tout à fait. Donc Lambert du décor, artiste illusionniste. Donc voilà, mon métier, c'est embobiner les gens, comme on dit. Non, mais, c'est l'art de l'illusion, c'est l'art de donner en quelque sorte des choses qui n'existeraient pas, mais que ça soit le plus visuel possible. Donc le but, c'est de faire des spectacles. En tout cas, notre marque de fabrique, c'est faire des spectacles de magie théâtralisée. Donc voilà, c'est une petite troupe hein, qui a derrière moi, qui bosse main dans la main avec moi. Et donc justement, pour faire le lien avec Passion Show, j'apporte mon savoir sur tout ce qui est le lien, on va dire, avec les artistes, la création de la scénographie, la création des décors et tout ce qui est sonorisation et éclairage. On va reparler un petit peu tout à l'heure de tout cet aspect technique, mais ce spectacle vivant, c'est une passion, j'imagine. Elle est née quand et comment ? Ah, tout à fait, une passion, et justement heureux de l'avoir, heureux de faire un métier qu'on aime, qui nous stimule. Elle est née tout simplement, je ne vais pas être original, mais il y a beaucoup de magiciens qui ont été dans ce même cas. C'est une boîte de magie, étant jeune, qui m'a révélé. Alors, il n'y a pas que la boîte de magie, hein, mais c'est vraiment, ouais, on va dire, moi en tout cas, le premier spectacle, je l'ai fait à l'âge de 9 ans. Le tout premier, c'était avec ma maman. Et après, bon, voilà, quoi, la voie de la raison, les études ont fait que j'ai continué. Mais dès que j'ai pu partir du cursus scolaire pour faire que de l'artistique, j'ai pu le faire, donc à ma majorité. Et toi, Pierre, qu'est-ce qui t'a fait entrer dans cette passion du spectacle vivant ? C'est tout de même, j'ai des liens, des liens étroits avec l'envers du décor, puisqu'il s'agit de mon fils. Et, comment dire, bah il a éveillé en moi aussi cette passion. Je le suis depuis ses débuts, et comment dire, mais j'ai souhaité pouvoir élargir le champ de des possibles, voilà, en mobilisant autour de moi des bénévoles et en favorisant donc les amateurs. L'envers du décor était autrefois amateur, et donc voilà, moi j'ai à cœur de pouvoir aider d'autres personnes, artistes, dans, encore une fois, hein, dans, pas seulement dans le domaine de la magie, mais dans tout autre domaine, à cœur de les aider à se révéler et à évoluer. Oui, permettre vraiment à plus de monde aussi de pouvoir exercer sa passion. Parce que c'est une passion qui touche beaucoup de monde. D'ailleurs, tu as parlé en tout début d'émission que c'est une association avec des bénévoles. Combien y en a-t-il ? Oh, c'est une équipe assez restreinte. En fait, nous sommes une douzaine de membres au sein de l'association. Donc 12 personnes qui ne chôment pas le moment venu pour enfin le moment venu, et en amont il faut beaucoup communiquer, ça c'est capital pour mobiliser à la fois des candidats et un public. Et puis le jour J, bah ce sont des heures de travail intenses pour mettre en place la salle, les décors, la technique, voilà. Mais tout ça, je pense qu'on va en reparler après la première pause musicale. Il s'agit d'un morceau intitulé Cabaret de Lisa Minnelli, vu que c'est un petit peu l'ambiance que propose l'association Grand Show. Oui, c'est ça. Non, Passion Show. Le Grand Show, c'est le titre de votre événement. Donc, on se découvre ce morceau et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. What good is sitting alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band. Come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum, so come to the to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea when I tomb. It isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Et c'était Cabaret par Lisa Minnelli. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo 107 FM, toujours dans l'émission L'Heure des Loups. Vous pouvez réagir à l'émission en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous passant un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ça fera toujours plaisir. Je suis en attendant toujours dans les studios de notre chère radio avec Hubert Pierrot Craco et Lambert du décor de l'association Passion Show. Vous êtes là pour mettre en avant l'événement qui aura lieu au mois de juin. On va y venir tout de suite. Et bien sûr, il y a Gilou aussi qui est avec nous. Gilou, des années bonheur. T'es toujours là. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Ah bah oui, puis c'est agréable. Parce c'est agréable de t'avoir à nouveau en studio avec moi. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça faisait longtemps. Peut-être sur une technique où tu m'as fait la technique sur une émission, je sais plus, mais bon. Oh là, je sais plus. Ça fait un petit moment quand même. Oui, bah oui, hein, la dernière, c'était Tour de Culture au mois de septembre, mais bon, on va peut-être s'occuper de nos invités qui sont là pour leur événement Le Grand Show qui aura lieu le samedi 2 juin à Mirecourt, à l'Espace Flambeau. Alors, tu m'as dit, Hubert, que c'est une deuxième édition. C'est la deuxième édition, effectivement, oui. Et donc, il y a eu une première édition. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, ce qui nous a encouragés évidemment à poursuivre et à rééditer l'événement. Nous avions là pour cette première édition 8 concurrents. Nous avions des chanteuses, un rappeur, des magiciens, une contorsionniste. Et puis le jury lui-même, les membres du jury cette année-là avaient présenté leur propre show. Enfin bref, une belle soirée et un public nombreux. Oui, nous avions 300 personnes dans la salle. Donc à l'Espace Flambeau à Mirecourt, et la deuxième édition aura lieu donc quasiment jour pour jour un an plus tard, donc le 2 juin prochain. Oui. Et ça va se passer c'est une scène ouverte. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quel sera alors le principe de cette scène ouverte? Voilà. Donc le principe donc c'est celui d'un concours ouvert aux jeunes talents, enfin jeunes ou moins jeunes en fait, il n'y a pas de limite d'âge et donc je le répète dans tous les domaines du spectacle vivant. C'est un concours. Il suffit et nous avons alors ce soir l'objectif est double, et merci encore de nous accueillir pour en parler. L'objectif est double, c'est à la fois de susciter des candidatures, puisqu'il est encore temps. Les candidatures seront closes à la fin du mois d'avril, et puis sensibiliser le public, les invités, leur donner envie d'assister à ce spectacle, ce grand show. Donc scène ouverte, concours donc avec une dotation de 1000 euros au total pour les trois premiers lauréats. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui serait peut-être intéressé en fait pour vu qu'il y a un casting comme tu l'as dit, vu que cette scène ouverte sera aussi un concours, quels critères faut-il remplir pour pouvoir participer? Eh bien, il faut il faut avant tout, enfin concrètement, il faut nous adresser une candidature par mail, à l'adresse contactpassionshow@gmail.com. C'est contactpassionshow@gmail.com. À partir de ce premier contact, nous envoyons en retour une fiche de candidature, le règlement du concours. Et puis enfin, le candidat, s'il est réellement motivé, va nous renvoyer donc ces éléments avec une vidéo de sa prestation. Et puis le jury, les membres de l'association se réuniront donc pour évaluer, examiner cette candidature. Voilà, ça se passe comme ça pour chacun. Voilà, donc les critères, il n'y en a pas vraiment. Enfin, le premier critère, c'est l'envie de participer. Et puis, bien sûr, il faut produire une démonstration de ce qu'on sait faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on va montrer sur scène. Donc, c'est cette vidéo qui va être évaluée par le jury. Gilou, tu avais quelque chose à dire? Oui, moi je voulais demander donc à Hubert si dans cette grande scène, s'il acceptait, on en a parlé en aparté, s'il acceptait les seniors. Mais bien sûr. C'était pas réservé. Mais bien sûr. Juste donc à la jeune génération, je dirais comme ça. Non, on a tendance trop souvent et peut-être abusivement de parler de jeunes talents, mais il y a des talents à tout âge. Et non. Bah, l'année dernière, pour revenir à la précédente édition, l'éventail des âges, s'est tiré de 12 à 40 ans environ. Ah oui. Voilà. Ok. Mais on peut très bien mais bien volontiers élargir la palette. Hein. Pourquoi pas, bien sûr. Un candidat senior. Pourquoi pas? Bien volontiers. Je vais réfléchir. et donc, le casting va se passer avant la scène ouverte, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui. Donc, clôture des inscriptions fin avril. Et le jury va statuer rapidement et tenir informés les candidats pour l'événement donc, qui aura lieu un mois plus tard, début juin, le 2 juin. Le 2 juin à l'espace Flambeau à Mirecourt, là où ce sera vraiment juste les personnes qui auront posé leur candidature, qui vont passer pour cette scène ouverte. Ah oui. Et après la soirée, comment ça se passera? Vu que tu as dit que c'est un concours, donc les trois premiers vont recevoir un prix, 1 000 euros pour les trois. Oui. Comment est-ce que ça va se passer? Il va y avoir comment est-ce qu'on va savoir qui aura le premier prix? Ah ben, ce sera annoncé à la fin de la soirée. En fait, oui, j'ai oublié de préciser un point. Il y a une contrainte de temps, évidemment, pour chacun. Le principe, c'est 6 minutes pour convaincre. 6 minutes pour convaincre le jury. Donc voilà, chaque prestation doit être calibrée. Bon, nous avons donc un règlement intérieur qui prévoit que éventuellement, en cas de débordement, de dépassement du temps, le jury ne statuera que sur les 6 premières minutes. Voilà. Et donc, le jury dispose de fiches d'évaluation. Et se détermine à l'issue de chaque prestation et délibère à la fin. Voilà. Le jury détermine aussi son président, qui peut, s'il n'y a pas un accord parfait entre les membres du jury, le président peut avoir une voix déterminante. Voilà. Mais au final, le jury attribue une note et puis on va comparer les notes et classer donc les candidats, annoncer à la fin du spectacle le classement et on remet sur scène les prix aux trois premiers lauréats. D'accord, mais alors c'est jugé sur une chanson, sur une interprétation? Oui. Parce que tu parlais donc de 6 minutes sur un temps de 6 minutes. Pourquoi pas en 6 minutes? Non, mais c'est une question que je pose. Oui. Non, ça c'est... Parce que si on fait que 3 minutes et demie... Ah oui. Ah, mais c'est, non, mais je veux dire, est-ce que c'est possible? Chaque candidat vient avec une chanson ou... Les chanteurs, oui. En général, enfin jusqu'à présent, oui, les chanteurs interprètent une chanson. Donc en effet, ça ne fait pas 6 minutes. Hein. Oui. Voilà. C'est ça que... 6 minutes, c'est le temps maximum. Oui, d'accord. Mais... Après, ils peuvent tout à fait faire un medley donc avec plusieurs chansons. Oui, avec plusieurs chansons. D'accord. Plusieurs chansons. Ah oui. Pourquoi pas? D'accord. Pourquoi pas. Ouais. Merci. Et comme Hubert, comme tu as parlé du jury, il sera composé de qui? Bon, mis à part de toi, ça on l'a bien compris vu qu'il y a le président dans le lot. Non, je serai extérieur au jury. Ce soir-là, je serai le présentateur de la soirée, hein. Mais le jury aura son propre président. Quand je parlais de président, c'est pas d'accord. Le président de l'association, c'est le président du jury, comment dire, désigné en son sein. Et le jury va se composer de professionnels du spectacle dans le domaine de la musique, musique, cirque aussi. Hein. Musique, cirque, danse. Voilà, et danse, voilà. Et toi, Lambert, tu feras pas partie du jury ? Alors non, on essaie d'être le plus neutre possible pour ne pas influencer. Personnellement, moi, je participerai à faire un petit numéro hors concours pour agrémenter un peu cette soirée-là. Mais oui, je serai un peu en retrait par rapport aux membres du jury. Mais c'est vrai que je me pose la question parce que tu vas participer bientôt à un concours, mais ça, je pense qu'on va en parler juste après la deuxième pause musicale. Il s'agit d'un morceau de Annie Cordy intitulé En scène. Donc on se découvre cette parenthèse sonore et on se retrouve juste après sur Radio Gémozo. Je vais me retrouver devant le gouffre noir, la peur de tout gâcher par un trou de mémoire me met les nerfs à vif. Elle est longue l'attente. Il faudrait commencer, le public s'impatiente. Donnez-moi mon micro, l'orchestre est installé. Projo, rideau, intro, et je fais mon entrée. En scène, dès l'instant que je suis en scène, je me libère de mes chaînes, de pudeur, de frayeur, pour chanter mes rengaines. En scène, un nouveau sang coule en mes veines, quand une bouffée d'oxygène tout à coup me secoue, envahissant mes gènes. Seigneur, vois mon cœur cogne d'un rythme sourd, bientôt s'il me faut m'élancer à mon tour. Sur une scène majuscule, j'y rentre comme un somnambule. En scène, comme le taureau dans l'arène, je joue ma vie et me démène quand l'envie de chanter et l'amour du métier soudain me fait entrer en scène. En scène, dès l'instant que je suis en scène, transfigurée, je me déchaîne, c'est ma vie, mon pays, ma fierté, mon domaine. En scène, quelle est la force qui m'entraîne? J'oublie mes soucis, mes migraines, mes douleurs, mes malheurs. Salut joie, adieu peine. J'attaque et le trac peu à peu disparaît. Quand chic le public capte tous mes effets. Soudain je nage en plein délire, passant de l'émotion au rire. En scène, rien ne m'arrête, ne me freine. Comme un miracle, tout s'enchaîne. Et quand a priori tout semble réussi, je suis au paradis en scène. Et vous venez à l'instant d'écouter En scène par Annie Cordy. Vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107FM, toujours dans l'émission L'heure des loups. Vous pouvez réagir à l'émission en nous envoyant un petit message sur notre page Facebook Radio Gémozo. Et vous pouvez aussi nous passer un petit coup de fil au 03 29 62 40 40. Ça fait toujours plaisir. Je suis toujours là ce soir, comme vous avez entendu. Hein, l'ambiance de la chanson que vous avez entendue est très, très cabaret, très spectacle de magie. Enfin, voilà, on y est parce que c'est le thème de l'émission de ce soir. Je suis toujours avec Hubert et Lambert de Passion Show pour leur événement Le Grand Show qui aura lieu le 2 juin à Mirecourt à l'Espace Flambeau. Et puis j'ai toujours Gilouk avec moi en studio, voilà, qui voilà. Continue à nous tenir compagnie. Oui, bien sûr, c'est toujours un plaisir. Et puis en plus, je faisais pas d'émission aujourd'hui. Oui. Hein, c'est vrai, je le précise comme ça, puisque bon, là, il y a eu un petit problème avec... Je devais présenter l'émission honneur hommage au crooner volume 3. Oui. Que je fais avec mon ami artiste Pierre Charby qui était retenu à Paris. Donc oui. Voilà. Et donc cet après-midi, il y a eu la rediffusion du volume 2. Et voilà, bon ben voilà, j'étais un petit peu en manque de micro. Voilà, tous les jeudis je viens. Mais voilà, ça me fait plaisir de participer avec vous tous. Voilà, bah t'auras fait une émission aujourd'hui, puis j'espère qu'il y aura le volume 3 des Crooners. Oh mais bien sûr, c'est prévu Lou. J'ai pas la date encore, mais c'est prévu, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, on retourne à nos invités qui sont le centre de mon attention pour l'organisation de l'événement, hein, de la journée du 2 juin, enfin plutôt la soirée, pardon, à Mirecourt. C'est une soirée, oui. Voilà, vu que les portes s'ouvrent à 20h, le spectacle commence vers 20h30. Et je le précise, hein, l'entrée pour la soirée est parfaitement libre. Pourtant, hein, ça je le répète assez souvent, l'argent ne pousse pas dans les arbres. J'imagine que comment ça se passe financièrement pour pouvoir créer tout cet événement ? C'est une belle formule, ça, l'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais oui, effectivement, c'est une soirée entièrement libre et gratuite. Et bah, pour financer une telle soirée, bien sûr, notre association doit trouver des fonds. Et pour cela, bah, nous organisons notamment un loto qui aura lieu d'ailleurs tout prochainement le 20 avril. Voilà. Mais donc nous tenions absolument à ce principe de gratuité pour mettre vraiment à la disposition de toutes et tous un vrai spectacle, mettre en somme la culture, oui, à la portée de tout le monde. C'est aussi l'un des objectifs de cette association Passion Show. Oui, l'entrée est gratuite parce qu'après il y aura d'autres choses, forcément une buvette, déjà un petit espace restauration. Voilà, bien sûr, oui, nous aurons un entracte et une buvette et puis aussi une tombola, voilà, au cours de cette soirée. Donc voilà, seront quelques recettes pour l'association. Un petit complément donc aux événements que nous organisons par ailleurs pour gagner un peu d'argent, comme les lotos. Mais voilà, mais argent qui est entièrement, bien sûr, entièrement mis au service des beaux objectifs de l'association. Donc favoriser l'émergence de talents et les accompagner ou leur donner au moins un coup de pouce. Et oui, comme tu as dit, vraiment mettre l'argent gagné pour l'association au service justement de cette belle scène ouverte. Tu en as quand même bien parlé avant, hein. Il y a vraiment l'esprit de créer une belle scénographie et puis beaucoup de techniques pour que ce soit une belle soirée réussie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus en détail ? Ah oui, enfin oui, oui et non. Je préfère passer le relais à notre directeur artistique, Albert du décor, qui est le créateur de la scénographie. Alors tout à fait, oui, on a voulu vraiment mettre l'accent sur la scène, faire une belle scène pour une scène digne des plateaux télévisés. Alors pour ça, donc on a voulu mettre des décors. Donc l'année dernière, c'était des décors originaux qu'on a essayé de faire. Donc les décors, en fait, c'est pas une soie en fin, excusez-moi, parce que voilà, on peut faire du très beau spectacle sans décor, mais on veut vraiment que pour les futurs artistes qui vont venir lors de cette soirée-là, ils aient des belles photos pour se présenter après, se vendre. C'est vraiment très important pour le pressbook de tous les artistes, les vidéos, les photos, et c'est toujours un plus pour les spectateurs. Donc cette année, on a totalement revu la scénographie, on sera plus dans un look un peu vintage, urbain, industriel, donc avec des structures, une sorte de scène ouverte, mais un petit peu dans des lieux reculés. Donc pour donner un côté un peu plus original, donc avec une enseigne, des vieilles ampoules un peu à néon, comme on voit dans certains films. Donc c'est l'ambiance de cette année, un petit peu Broadway aussi, c'est un peu ça aussi. Et donc voilà, on a mis aussi le paquet sur l'éclairage. Donc l'éclairage, c'est ma spécificité. Avant d'être illusionniste, j'étais technicien lumière en cabaret. Donc c'est ce qui m'a donné ce point de vue, en tout cas sur l'éclairage, qui est tout aussi important que le reste. Et donc en tout cas, pour la scène ouverte, le grand show, j'interviens en tant que bénévole sur tout ce qui est ingénierie, son lumière et les décors. Et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre d'avoir une belle scène. Donc je puise un petit peu dans mes ressources à moi, donc pour Passion Chaud ce jour-là, voilà. Oui, parce que tu l'as dit, hein, le son et la lumière, c'est quelque chose de très important pour créer l'ambiance d'une soirée. Tout et à tu fait, l'as voilà. dit aussi pour le pressbook des artistes, vu que c'est aussi pour les permettre, d'après ce que j'ai compris, de réussir à les lancer pour plus tard, s'ils ont envie de se lancer dedans, et pour en arriver peut-être à là où tu es, Lambert, vu que tu participes bientôt, courant de ce mois, au championnat de France de magie à Paris, dans les coins de Paris. C'est ça, tout à fait, oui. Eh bien oui, c'est déjà la deuxième édition, enfin la deuxième fois pour nous en tout cas qu'on va participer à ce festival. Donc c'est un festival national, donc pour nous ça a été une chance en tout cas d'y participer une première fois en 2016, et là une chance encore plus folle de participer en 2018. Donc voilà, c'est une émission qui est retransmise à la télévision. Donc pour nous, c'est encore plus de stress parce que le moindre fait et geste va être capté. Donc il faut vraiment énormément répéter et puis trouver ce numéro original qui va nous permettre de concourir. Donc on a bossé dur justement pour avoir un numéro original et on va tenter notre chance le 22 avril prochain, donc dans un très beau théâtre. Voilà. C'est avec ton petit groupe, quand tu dis on. Ou oui, c'est ça, on est une troupe de quatre justement, donc deux acteurs on va dire principaux et deux rôdes qui seront là sur la scène pour la manutention du matériel et pour la mise en place de toute la technique. Oui. Et oui, comme tu as dit, tu es illusionniste, donc c'est important de jouer avec les lumières, les sons, ou qu'est-ce qui est important justement dans... Oui, c'est ça. En fait, quand on dit illusionniste, c'est un magicien, mais vraiment plutôt un bon comédien, on va dire, parce qu'on joue un rôle. C'est pour ça que je préfère dire illusionniste par rapport à magicien. On joue un rôle, c'est comme nous, en fait, notre travail, c'est comme une sorte de scénette où les effets magiques servent à l'histoire. Donc pour ça, il nous faut des personnages emblématiques. Il nous faut une histoire qui est facilement compréhensible, et surtout dans un laps de temps assez court, parce que là il n'y a aucune parole, tout est mimé, donc en 4-5 minutes il faut avoir fait une petite scénette, donc c'est compliqué, mais bon voilà, pour nous ça a été un véritable défi, ça nous a aidé à mettre le pied à l'étrier et de se battre pour réussir ça, quoi, voilà. Et donc ça y est, t'es à peu près prêt pour le 22 avril, c'est dans 10 jours, hein. C'est ça, on continue de bosser, parfois jusque tard le soir, pour être sûr que la bande son soit bien calibrée par rapport aux effets, parce que parfois c'est à la seconde près, on a des bruitages qui viennent enjoliver l'effet. Il y a un peu de pyrotechnie aussi, donc il faut être sûr que tout soit bien prêt, qu'on n'oublie rien, faire des checklists assez régulièrement, donc sur l'avancée des répétitions, et donc oui, je pense qu'on sera prêt, en tout cas cette année on compte vraiment avoir une place sur le podium, c'est vraiment l'objectif. Donc on est motivé et on va tout faire pour. Bah, on espère pour toi. Et 2016, comment ça s'était passé? 2016, ça a été vraiment une très bonne édition. Il y a eu un très grand cru. On est arrivé là-bas. Les artistes étaient tous fabuleux les uns les autres. Et donc, ça a été très enrichissant pour nous. On a appris énormément de choses. La scène était immense. On avait répété dans 4 mètres carrés et on arrive sur une scène qui faisait 25 mètres de large. Donc, c'était pas évident. Donc, on n'a pas été sur le podium, malheureusement. Mais c'est pas pour autant que ça nous a découragés. Au contraire, on s'est dit, allez, on retentera forcément avec un autre numéro, on y retournera. Donc, pour s'améliorer, on va dire, ça a été vraiment une très bonne école, ce championnat. Et oui, c'est comme ça que ça continue, c'est comme ça que ça encourage aussi d'autres associations comme Passion Chaud de continuer à vraiment encourager les gens à se lancer dans leur passion, vu qu'après tout, les arts ou le spectacle vivant, ça fait intégralement partie de la culture, et c'est quelque chose... de très intéressant qui existe depuis longtemps, il me semble. Bah oui, tout ce qui est danse, magie, chant, c'est juste représenté autrement dans une ambiance, dans quelque chose. Et on va se remettre un petit peu dans l'ambiance avec un morceau de Michel Fugain intitulé « Attention mesdames et messieurs ». Donc on s'écoute cette pause musicale et on se retrouve juste après. Sur Radio Game Ozo. Commencez. fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Et vous êtes de retour sur Radio Gémozo 107 FM. Vous venez à l'instant d'écouter Attention, mesdames et messieurs, de Michel Fugain. Vous êtes toujours, oui, je crois que je l'ai dit dans l'émission, l'heure des loups. Et vous pouvez, comme d'habitude, réagir via Facebook en nous passant un petit coup de fil. Alors, j'ai pas envie de répéter le numéro. Je le répéterai après. 03 29 62 40 40. Merci, Gilou. Je t'en prie. Et je suis toujours avec Gilou qui est là. Que j'ai invité, et Hubert et Lambert de l'association Passion Show pour leur événement Le Grand Show organisé le 2 juin à l'espace Flambeau de Mirecourt. C'est une scène ouverte slash concours pour alors non pas jeunes hein, mais talents, vu que c'est ouvert à plein de personnes. D'ailleurs Gilou y a un petit peu pensé vu qu'il pousse la chansonnette. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu en aparté comme ça, de voir un petit peu comment ça se déroule la journée, mais enfin Hubert donc l'a précisé hein, tout à l'heure. Oui. Voilà, c'est sans jamais, c'est une passion quoi, voilà. Bah, c'est une passion pour tous ceux qui ont envie de participer hein, et ceux qui veulent, les inscriptions sont encore ouvertes pour participer à cette scène ouverte. Hein. C'est les inscriptions, déjà il y a la page Facebook Passion Show, ou sinon c'est l'adresse mail contact@passionshow, tout collé, hein, @gmail.com. Les inscriptions vont jusqu'à la fin du mois d'avril, jusqu'à la fin du mois d'avril, oui c'est ça. C'est ça, c'est le ça. 2 mai plus précisément. Et voilà. Oui, jusqu'au 2 mai. Et j'y pense, hein, pour toucher quand même un maximum de monde, est-ce que Passion Show a un petit peu comme des partenariats inter-associations ou intercommunaux ? À ce jour, pas vraiment, non. Notre principal vecteur de communication, c'est Facebook. Mais bon, Facebook c'est tout de même pas mal. Si c'est potentiellement un effet boule de neige. Alors voilà, on essaie de jouer beaucoup là-dessus. Et donc, je vous invite j'invite les auditeurs, oui, à consulter cette page Facebook, donc Passion Show. Qui est illustré, on y trouve notamment une vidéo de la dernière édition de juin 2017. Voilà. Ah oui, tout à l'heure j'ai oublié d'évoquer le vainqueur de la précédente édition, ah oui, qui donc réapparaîtra bien sûr cette année. Ça c'est l'un des privilèges du gagnant, hein, c'est de se produire en ouverture de l'édition suivante. Voilà. D'accord. Et donc le vainqueur c'est un rappeur qui s'appelle LZK. Voilà, et qui a su créer l'émotion ce soir-là. Et le spectacle, c'est ça, c'est avant tout créer une émotion, la partager. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec ce rappeur que nous aurons donc le plaisir de retrouver en ouverture de la prochaine édition. Il avait disparu, non? Non, entre-temps, il n'a pas disparu. Non, des fois que Lambert... Et Lambert ne l'a pas fait disparaître, non. Et non, il n'a pas disparu du tout, il a suivi son chemin. Entre-temps, il a enregistré un album, je crois, c'est ça? Oui, c'était en cours, donc il a enregistré un album. Oui. Il a participé à la première partie du concert de Chris et Phil Valmans, donc au casino de Contrexéville le 27 octobre, si ma mémoire est bonne. Et la première partie de mon spectacle le lendemain, donc le 28. Donc voilà, bah justement, il était gagnant de cette scène ouverte. On a vraiment voulu le booster, l'aider. Donc on l'a aidé comme on a pu, hein, donc en communiquant, en faisant des shootings photos pour mieux se présenter. Et donc voilà. Et puis maintenant, depuis de son côté, il a monté son propre label, où il est en train de le monter. Je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est en tout cas dans les tuyaux. Donc du coup, je pense que cette édition du Grand Show l'a vraiment poussé à aller de l'avant. Et donc du coup, voilà, il va faire l'introduction de cette nouvelle édition. Et c'est pareil, le gagnant de 2018 va pouvoir participer à la prochaine édition de 2019, etc. Oui. Donc, raison de plus pour encourager ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être un petit peu timides de se lancer. Hein. Après tout, ça coûte rien de tenter sa chance. Si c'est des arts du spectacle, danse, chant, magie et plein d'autres choses. Hein. J'en oublie certainement énormément. Vous pouvez un peu m'aider pour le listing ? Danse, chant, danse, magie, vous avez dit, ouais. Oui. T'as dit. Ouais, bah en tout cas, dans la danse, il y a plusieurs catégories. L'année dernière, on a eu par exemple des Ukrainiennes qui nous ont fait de la gymnastique, mais danser, on va dire. C'était vraiment très, très chouette à voir. Oui, oui. On avait aussi une professeure de danse de Mirecourt, donc de l'association Tendance, qui nous a fait un beau duo de danse. Cette année, on risque, selon les décisions du jury, on risque d'avoir du hip-hop. Oui. Donc, de la danse orientale aussi. De la danse orientale, donc voilà, c'est plusieurs registres en une discipline. Oui. Donc on verra bien, oui, il y a pas mal de choses qui sont possibles. Oui. On aimerait bien aussi des slameurs pour changer du slam. Donc ça, ce serait intéressant, du jonglage, les arts du cirque qui sont aussi intéressants. Mmh. On a une tendance pour le chant qui s'est montrée sur la précédente édition cette année. Donc voilà, on est vraiment ouvert à tout pour que ça soit le plus éclectique possible. Mmh. Et surtout avoir un bon rythme pour les spectateurs, avec des moments forts, des moments plus émotion, etc. Pour vraiment avoir un show... nickel. Voilà. J'imagine aussi que l'organisation qu'il y a en amont pour savoir qui passe dans quel ordre, c'est beaucoup de travail. Ah oui, oui. Bon, on s'est donné justement un mois pour préparer au mieux la logistique, en fait, donc préparer les loges pour que chaque artiste soit vraiment aux petits oignons, comme on dit. Et donc voilà, ils seront nourris sur place, on leur prépare des beaux trophées. Donc en plus de la somme à gagner, donc ils auront d'autres cadeaux. Et ce qu'on essaie de faire, justement, c'est pas un tirage au sort des places, c'est vraiment essayer de caler au mieux les prestations, par exemple une prestation rythmée avec une prestation un peu plus lente après pour casser la courbe et ne pas monter crescendo pour redescendre après. Donc voilà, il faut vraiment que le spectateur ne s'ennuie pas, que chaque artiste soit bien mis en valeur, ne pas enchaîner par exemple deux chanteurs d'affilée ou deux magiciens. Donc il faut vraiment que tout le monde soit là dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur. Donc oui, on s'est laissé un bon mois pour tout ça, voilà. Pour le grand show qui aura lieu le 2 juin à Mirecourt, hein, entrée libre et ouverture des portes à 20h, hein, pour ceux qui veulent assister à cette scène ouverte, c'est tout à fait possible. On va peut-être s'écouter une je vois l'heure qui défile, peut-être une dernière pause musicale.

pour un comédien, le jeu d'acteur, etc. Et après, il y a la présence sur scène, la façon de se tenir, la façon d'interagir avec son public, etc. Donc, deux poids, deux mesures, et surtout aussi un point très important, c'est que le public va sonder, les jurys vont sonder un petit peu le public, s'il y a des A, s'il y a des O, ils vont les prendre vraiment en considération, parce que l'avis du jury, c'est bien, mais le but, c'est aussi d'avoir les émotions qui sont transmises de par l'artiste vers le public. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a un jury, c'est la nouveauté de cette année, qui sera constitué d'une personne prise totalement au hasard le soir même par une personne du public. Donc, cette personne du public va en gros faire le porte-parole du reste du public. Donc, on va s'assurer qu'il n'a aucun lien avec les candidats, qu'il n'a aucune, on va dire, connaissance sur le spectacle en général, pour que son avis soit vraiment le plus neutre possible. Et il donnera son avis avec son point de vue à lui de spectateur. Voilà. Donc ça c'est pour la notation, vu qu'en effet je le rappelle, hein, toute personne qui a envie de participer peut toujours s'inscrire jusqu'au 2 mai, sur l'adresse mail, donc contactpassionshow@gmail.com. Il y aura un petit peu un casting pour savoir qui pourra passer, et on n'en a pas trop parlé, mais tout au long de la soirée, ça commence à 20h30, il y aura environ Combien de talents qui vont présenter un petit peu leur savoir-faire ? Oui. Une douzaine de candidats. Hein. Donc voilà, 6 en première partie, 6 en deuxième partie, pour ce qui concerne les candidats eux-mêmes. Mais en plus, donc je le disais, en ouverture, donc le lauréat de la précédente édition, et puis en bonus, donc une prestation de notre directeur artistique, artiste illusionniste professionnel par ailleurs, donc l'envers du décor, voilà, qui apportera la note magique. Lambert, qui, je le rappelle, ou Lambert du décor, vu que c'est ton nom de scène, tu seras au championnat de France de magie 2018 ce 22 avril à Noisy-le-Grand dans le 93. Tout à fait, oui. Donc on t'encourage, mais c'est vrai que, tiens, je t'ai pas posé cette question, ça va être marrant pour les dernières minutes qui nous restent. Pourquoi ce nom de scène, Lambert du décor ? Alors j'en ai profité d'avoir un nom-prénom en fait, parce que c'est vrai que Lambert c'est plutôt un nom de famille, et c'est vraiment pas courant de l'avoir en prénom, mis à part l'acteur que tout le monde connaît, Lambert Wilson. Donc du coup je me suis dit, un nom de scène c'est très très difficile à trouver en fait, hein. c'est vraiment pas évident pour que le nom coule de source. Moi qui aime bien les petites blagounettes et les jeux de mots, je me suis dit bon allez, on va tenter avec Lambert du décor, et finalement au début c'était un pseudonyme que j'utilisais sur internet, sur les réseaux sociaux ou autres, et pour la petite histoire, c'est comme ça qu'on m'appelait aussi quand j'étais en cabaret, quand je bossais en cabaret en tant que décorateur. J'étais un petit peu l'homme de l'ombre à faire des décors justement et à bosser sur la lumière, et ça m'est resté. Il y avait d'autres prénoms un petit peu rigolos, mais je me suis dit Lambert du décor, même si c'est un jeu de mots, je pense que c'est, pour moi ça me caractérise bien, quoi. Donc, parce que je suis autant sur scène que dans les backstage à bosser, donc Lambert du décor, l'envers, c'est parti de là, voilà. Et j'imagine aussi que dans ton travail en tant qu'illusionniste, hein, sans compter aussi ingé son et lumière, le décor c'est quelque chose d'important, tant l'avant que l'envers. Ah oui, tout à fait, ça aide vraiment aux artistes. Alors moi j'essaie vraiment le maximum possible d'utiliser ces décors dans la prestation. Il ne faut pas que le décor ne serve à rien, il faut quand même lui donner une utilité, une interaction, donc pendant le spectacle avec. Et justement, il nous aide à plonger les spectateurs dans l'ambiance voulue. Tout simplement, voilà. pour créer une ambiance, hein, pour le grand show qui en est à sa deuxième édition, la première qui s'était déjà bien passée, et la deuxième qui aura lieu, je le rappelle, le 2 juin. Et on arrive tout doucement à la conclusion de notre émission. Donc avant de se dire au revoir, je fais le programme de la soirée comme j'ai l'habitude de le faire. À 20h jusqu'à 21h30, on retrouve Jukebox, puis de 23h à minuit c'est Rock à la Casbah, et de minuit à 1h c'est la rediffusion de La Bulle de l'IA, qui a reçu ce midi le projet Arter. La rediffusion de mon émission c'est demain matin de 7h à 8h, suivi de la chronique BD de Camille. Et demain on se retrouve pour une émission avec plein d'interviews pour des événements qui auront lieu ce week-end jusqu'à la fin du mois d'avril. Et puis voilà, ça c'est tout pour moi. Donc merci beaucoup Hubert, Lambert et Gilou. Je ne sais pas si vous avez un dernier petit mot à adresser à nos auditeurs avant qu'on rende l'antenne. Merci à vous en tout cas, grand merci pour votre accueil. Et puis je répète encore une dernière fois, oui, ce rendez-vous du 2 juin à Mirecourt pour le grand show. Donc c'est vraiment une belle soirée en perspective, une soirée très très très authentique, parce que nous aurons donc sur scène des amateurs en grande partie, mais des amateurs de qualité soigneusement sélectionnés par nos soins, et que nous aurons à cœur d'accueillir dans les meilleures conditions pour les valoriser et les pousser en avant. Eh bien, c'est sur cette note qu'on va s'arrêter. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, pour votre participation de ce soir. C'était vraiment très, très amusant. Et puis, bon, bien sûr, c'était important de mettre ce genre d'événement en avant. En attendant, merci beaucoup à vous. Merci aux auditeurs pour leur présence. Et en attendant, rendez-vous demain, même heure, pour d'autres visages. Et bonne soirée à tous. Merci, Lou. Bonsoir. Bonsoir.